Ah, c'est fou la roulade. 89-1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Simon Fitzbé débute son exposé sur Led Zeppelin dans Phénomène. Et on parle politique avec François Landry. C'est à Assemblage requis et ça commence maintenant! Bon matin et bienvenue à une autre édition en direct et complètement originale d'Assemblage requis en ce jeudi 7 avril 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bienvenue à vous, bienvenue dans nos studios si spacieux. Si spacieux et si douillet. On peut accueillir... Tel un oreiller. On peut accueillir des acariens dans ce cas-là. Des acariens. On peut remplir la place d'acariens, si vous voulez. Remplir des milliards, je dirais. Donc, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a Simon Fitzbé avec Led Zeppelin dans sa chronique Phénomène. Ça va être la première partie de cette chronique sur Led Zeppelin. Après ça, on reçoit M. François Landry qui nous parle de politique avec sa chronique Logocratie 101. Mm-hmm. Et en début d'émission, on a un invité spécial, François. Oui, tout à fait. On reçoit Mme Vanessa Landry qui va venir nous parler de son PICOM, de son projet d'intervention communautaire. Et ça va nous parler, en fait, de contrer les préjugés face aux problèmes de santé mentale. Ah! Donc ça va être aux alentours de 7h30. On a bien hâte. Oui. Donc une émission chargée à bloc. Tout à fait. Mais savoureuse en même temps. Ça va être délicieux. Si on peut revenir à ton oreiller, ça va être confortable. Ouais. Ça va nous donner envie de retourner se coucher. Mais non, il est de bonne humeur. Mais non! Est-ce qu'on commence en musique, François? Ouais, oui. À la place. Allons-y. On va entendre une pièce de Martin Léon. Voici Prends-moi tel quel. Sur C'est fou 89.1 FM, dansez votre oreiller. Mettez-la debout. Au pire, asseyez-vous sur votre lit. C'est confortable, ça? C'est le début de l'émission. Oh, restez allongé, ça me dérange pas. Oh. Ouh. Steal. voici. Death Cab for Cutie avec la chanson Crooked Teeth au 89 FM, c'est fou cet assemblage requis. On fait pas jouer assez du Dead Cab. Ben non, mais c'est ça l'affaire. Là. On aime ça, c'est bon. Et voilà. Et ça fait très bien le matin. Tout à fait, ça commence l'émission de façon calme, pas aussi calme qu'hier. Non, hier, on a été calme toute l'émission, hein, vraiment. Ouais, mais c'était pas si pire que ça. Non, je sais. C'était plus calme qu'à l'habitude. Oh, ouais. Ouais. Tout à l'heure, dans quelques minutes, on va parler avec quelqu'un de son projet de PICOM. C'est ce qui s'en vient, c'est le prochain. Oui, exactement. Vanessa Landry qui va venir nous parler en fait de son PICOM, projet d'intervention communautaire qui se veut en fait pour contrer les préjugés face aux problèmes de santé mentale. Donc, Mathieu, on va essayer de régler tes problèmes. Ah oui, bon. C'est toujours moi le cobaye. Surtout que c'est n'importe quelle chronique qui a un problème, c'est moi le sujet. Je t'aille. Bon matin. Je vous rappelle qu'il faut aller voir sur assemblagerequis.com pour retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions à chaque jour. Pour l'instant, on va entendre The New Pornographers. Voici Moves. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Sunday morn has a broken like a whip on my back, and we still have not spoken since the day. Got to lose love if you want to find love. Change pulled into some kind of bug out town. I was making like a high. C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. Fox Trot Uniform d'Atomic Baobab à Assemblage requis au 89.1 FM. C'était très bon. J'ai bien pesé mes syllabes. Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Ouais. Mathieu Plante est en feu ce matin. Tu trouves? Oh oui. Et quand même. Et Mathieu Plante a une très bonne santé mentale ce matin. C'est ce que je voulais dire. Ah. Et pourquoi je voulais donc dire ça? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Je te suis pas du tout. Là. Parce qu'en studio présentement, on a Vanessa Landry qui va nous parler de son PICOM pour contrer les préjugés face aux problèmes de santé mentale. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien bonjour. Ce matin? Oui, je suis très contente d'être ici avec vous, les gars, ce matin. Yeah! T'as l'air on aime s'entendre ça. Oui. Cool. Donc, Vanessa Landry, en fait, est étudiante ici à l'UQTR. Hein, oui. Je me trompe pas. Okay, en marketing. En marketing, OK. Merveilleux. Et puis là, en fait, c'est ça, vous avez un projet, un PICOM. Pour les gens qui ne savent pas, premièrement, est-ce qu'on pourrait expliquer c'est quoi un PICOM? Un PICOM, dans le fond, c'est un cours à l'université. Tu peux le prendre sur une session ou sur deux sessions, c'est pour vous. Okay. Puis c'est très intéressant parce qu'il nous accorde un budget de 750 $ pour réaliser un projet. Okay. Puis tu as le choix, il y a beaucoup d'organismes qui offrent des projets. Comme nous, notre projet, c'est « Contrer les préjugés ». Dans le domaine de la santé mentale, puis ça se fait avec le regroupement des organismes de base en santé mentale. OK. Fait que il y a un mentor. OK. Puis il y a la responsable de l'organisme qui nous accompagne tout au long du projet pour nous aider et nous appuyer dans nos actions. Puis eux, dans le fond, ils nous fixent des objectifs à atteindre. Puis c'est ça. Dans le fond, tout au long du 4 mois de la session, ils nous ont suivis. Puis dernièrement, on a réalisé notre activité finale pour faire un quiz pour informer les étudiants de qu'est-ce que c'est la maladie mentale, pour différencier la maladie mentale et la santé mentale. Mais c'est ça, tu fais bien de le préciser, parce que souvent on dit santé mentale, mais la première chose qu'on a en tête, c'est en fait c'est des maladies mentales. Oui, mais en fait, la santé mentale, tout le monde en a une. Puis quelqu'un qui a une maladie mentale, il n'y a pas nécessairement une mauvaise santé mentale. Si sa maladie est traitée, il va être en très bonne santé mentale. Donc là, en fait, là, juste pour clarifier la situation, maladie mentale, on parle vraiment, exemple, de schizophrénie, Dépression, anxiété. OK. Oui. Et puis, santé mentale, on parle? Santé mentale, on parle de l'équilibre entre tous les aspects du corps, que ce soit mental, physique, social. En fait, c'est important de garder un bon équilibre, surtout quand on est stressé. Surtout en fin de session, comme là, les gens sont beaucoup stressés, puis là, ça peut devenir dangereux de développer des problèmes d'anxiété ou de dépression si les gens sont très négatifs ou si ça va pas bien. Il faut réussir à surmonter le moral et continuer de l'avant. OK, donc, en fait, si je comprends bien, tu me corrigeras là, si j'ai tort. Donc, une mauvaise santé mentale peut mener à des maladies mentales. Oui, si jamais on est toujours négatif, on est toujours pessimiste, c'est sûr qu'on peut mener à la dépression. À la dépression, en fait, à différents stades aussi. Là. Et puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Bonne question. Bonne question. j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. En fait, tu parlais d'équilibre. Bon, excuse-moi, en fait, je viens de me retrouver. Tu parlais d'équilibre au niveau d'une bonne santé mentale. Oui. L'équilibre, en fait, c'est quoi? C'est dans toutes les sphères, si on veut, de la vie? Dans oui, c'est les... ça. Comme par exemple, bien manger, bien dormir, ça peut aider à maintenir une bonne santé mentale. OK. Donc, et puis, contrer par le fait même peut-être les maladies mentales. Oui. Notre projet, ça vise à contrer les préjugés. Ouais. Parce que souvent, il y a des stéréotypes dans notre société. C'est vraiment triste de voir ça. Mais t'en as vécu un toi-même? Oui. Dans le fond, moi, j'étais à la bibliothèque l'autre fois. Puis, j'étais en train de faire ma petite campagne. J'avais une petite pancarte, Vanessa Landry, schizophrène. Puis, les gens me regardaient bizarre. Puis, ils étaient là. Ils faisaient des signes comme si j'étais folle, tu sais. Ouais, des signes avec la main sur le bord de l'oreille, là. Ben oui, tu sais. Fait que là, moi, j'étais là. Voyons, c'est vraiment vrai que dans la société, tu sais, ça paraissait que c'était très théâtralisé, là, c'était pas vrai. Puis même les gens critiquaient, tu sais, je trouve ça triste de voir ça. Puis c'est, qu'est-ce qui est dommage, c'est que les gens vont pas consulter dans ce temps-là, tu sais, ils ont peur de s'assumer, ils ont peur d'avoir une étiquette après pour tout le reste de leur vie. Puis c'est dans ce temps-là que ça devient dangereux, parce que si les gens sont pas traités, c'est là qu'ils peuvent faire des actions dangereuses. Tu sais, on entend souvent dans les médias, c'est tellement triste. Ah, lui, c'est un schizophrène, il a tué sa mère et tout ça, mais dans le fond, là, c'est parce qu'il n'était pas traité sûrement qu'il a fait ça. C'est réellement c'est tous les schizophrènes qui sont fous. Là. Non, il y en a qui sont traités puis ça va super bien. Là. C'est ça, bon point, parce que des schizophrènes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Plus qu'on pense. Oui, c'est ça, exactement. Et personne. La majorité ne tue pas personne. Là, et puis, tu sais, c'est bien contrôlé. Puis, ils sont capables de vivre en société. Là. Oui, puis tu sais, il y a plusieurs activités qui les aident à vivre avec leur maladie. Puis, moi, je pense que le ROSBM, il est là pour ça, pour les aider. Puis, je pense que c'est important d'aller consulter. Puis, c'est important, même si vous pensez pas avoir une maladie mentale, simplement avoir une mauvaise santé mentale, aller chercher les ressources nécessaires. Parce que c'est ça, il existe. Les ressources existent aussi. Oui, il y a beaucoup de ressources mises en place du côté de l'hébergement jusqu'au côté santé, psychiatrie et tout ça. Là, il y a beaucoup de ressources dans notre société. Puis, on est chanceux au Québec ici parce que c'est rare que dans les sociétés, ils en parlent. Puis là, on commence à en voir aussi dans les émissions. Je regardais Destiné hier, puis le gars, il a une maladie, il est dépressif. Puis là, il prend des médicaments. Puis là, il file vraiment pas bien. Puis là, tu sais, tu vois qu'il entend des voix puis qu'il est agressif. Puis là, son père, il dit, tu devrais peut-être aller consulter. Puis lui-même, il veut pas. Tu sais, là, ouais. Je trouve ça le fun que le monde commence à en parler parce que c'est quand même une personne sur cinq qui risque de souffrir de maladie mentale dans sa vie, dans notre société. Et justement, comme tu viens de dire, la personne elle-même va pas nécessairement se rendre compte qu'elle a un problème. Donc peut-être que la famille autour, les gens, ses connaissances devraient. C'est ça. Puis en tant que proche, c'est important aussi d'informer puis de contrer les préjugés face à ça parce que souvent même, la personne elle va avoir peur d'en parler avec son père et sa mère, tandis que normalement, c'est eux qui vont être là pour elle. Là, Puis si on parle de préjugés aussi, là, je pense que y a une chose que les gens font pas et puis que ça serait peut-être utile, c'est que souvent quand on en voit un, quelqu'un en fait là, qui a une maladie mentale, bon mais on le regarde pas, on passe à côté, puis on veut pas le voir, on veut pas que ça existe. Mais je pense que si les gens peuvent s'arrêter peut-être deux minutes, dire bonjour, faire un sourire, juste les regarder, c'est des gens, là. Je pense que juste ça, en fait, ça aiderait la cause aussi. Parce que eux autres se retrouvent dans une certaine solitude, j'imagine. Oui. Dans le fond, c'est ça. Eux, ils se retrouvent à l'écart, puis une fois qu'ils sont à l'écart, c'est encore plus dur pour eux d'aller chercher les ressources nécessaires. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ça en fait, là... On a tendance à faire ça pas mal au Québec. Hein. Passer à côté des petits kiosques qui demandent de l'argent ou passer à côté du gars qui vend le journal dans la rue. On les voit pas. Non, on fait semblant de pas les voir. On les voit très bien. On les voit. Oh, oui. Et voilà. Donc, voilà. Enfin, excusez-moi, j'avais un petit crotté le cœur. Ben oui, mais là, l'éditorial, c'est ça. Cool. Et puis, c'est ça, tu me parlais, en fait, ton pick-up, il y en a qui duraient une, deux sessions. Toi, c'est juste une session. Oui. OK, trois crédits, en fait, parce qu'il y en a de six crédits, j'imagine. C'est ça. Il y en a de six crédits, il y en a de trois crédits. Puis moi, dans le fond, c'est ma dernière session au bac à l'université, fait que j'ai décidé de faire ça pour terminer l'année en beauté. OK. Et puis, c'est ça, t'étudies en marketing, ça me surprend quand même que... En fait, là, tu parles de santé mentale. Oui, c'est une équipe multidisciplinaire. Je travaille avec deux personnes qui sont en psychoéducation. OK. Puis moi, dans le fond, c'était plus mon rôle d'organiser la campagne, de faire la publicité. Ah, okay, c'est cool. Dans les pick-up, en fait, vous êtes comme mélangés. Oui, c'est ça. OK. C'est pas nous qui choisissons notre équipe. Là. Ah. On choisit notre projet, puis les personnes qui ont pris le même projet que nous, on est en charge. OK. Donc, tout le monde est motivé pour. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas un cours obligatoire, fait que les gens, souvent, quand ils s'inscrivent à ce cours-là, ils veulent vraiment réaliser un projet. Ah, crime, c'est très cool. Moi, j'attends le projet genre style l'année suivante, je pense. Après le Picom, tu fais le genre style comme Picom genre style, non? Non, hein? C'est Mathieu Plante. <Non. rire> C'est Mathieu Plante. Bonjour, ça va? Merci beaucoup, c'est Vanessa Landry. Oui! C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci. Cool. Hey, mais en fin de semaine, c'est ça. Aviez-vous quelque chose à rajouter? Peut-être des activités qui s'en viennent? Oui, dans le fond, lundi soir passé, on a fait un gros quiz à Charles Galerie. On a remis plus de 200 prix. 200 prix? Oui, des cartes cadeaux métro, des cartes cadeaux d'un peu partout, en fait. Tu nous en as pas emmené ce matin? Ben non, désolé. Bon. Puis aujourd'hui, on s'en va rencontrer les futurs enseignants pour essayer de les sensibiliser pour qu'eux-mêmes deviennent des agents de changement dans notre société. C'est l'avenir de demain, selon moi. C'est ça. Et puis, en fait, là, qu'ils soient capables de détecter aussi là, si quelqu'un a besoin, il faut que la santé mentale... C'est ça. Puis, il y a beaucoup de démarches qui se font du côté du ROB. Ils sont allés rencontrer les policiers pour les sensibiliser parce que les policiers font souvent affaire avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale puis ne sont pas tous formés pour ça. Fait que c'est important aussi d'en parler. Puis aussi, on est allé du côté des entrepreneurs, on a parlé au maire et tout ça pour essayer de le convaincre de promouvoir les bons côtés de la santé mentale parce qu'on voit seulement les mauvais côtés. Ah, même le maire est sensibilisé à ça. Ben oui. Oui. Formidable. Hey, merci Vanessa Landry. Merci à vous les gars. La porte du studio est toujours ouverte. Merci. Puis comme genre style. Genre comme... on retourne en musique, on va aller entendre Run Chico Run. Voici Part of My Brain is Working Against Me. Hein, j'ai trouvé une chanson qui avait un lien avec ça. Pas pire quand même. T'as eu le temps de faire ça. Ben là. Merci François. We'll be right back. Sunrise, and then she says she wants to take her kids in. That's her boy that's 12 and her daughter that's 4 with angel eyes. So they get there and the sun has barely risen. Decided on the spot where the fish is plentiful with the tide. Get out their pose, daddy smiles and said the fish is jumping. Then they heard a splash, but it sounded bigger than fish size. The 12-year-old screams, Mom. And Mom screams back, the baby was holding your arm. Well, that was 30 seconds ago, so they jumped in. All coming up with nothing. But then something told Mom to look toward the light. But the sun wasn't yellow, it had turned white. So she listened and swam, she swam for the light. Like the Michelin Man, she swam with such might. She spotted the baby, and she was on her back. Just as the light said, sunrise was heaven's track. She turned the baby over, her eyes were still blue. The baby had a smile and said, I was waiting for you. Mom, I was waiting for you. Your baby. Mama, I love you. And I was waiting for you. C'est la première fois que je vois une pièce cachée en plein milieu d'un album. Ouais, c'est bizarre. Vraiment étrange, pièce numéro 7 d'un CD qui en compte 12. Voilà. Alors, c'était Nerd avec A Wonderful Place et la pièce qui suit cachée sur l'album. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a deuxième qui s'en vient tantôt. Et qu'est-ce qu'il y en a dans la deuxième heure? Frank Boy. Simon Fitzbé, François Landry, Mathieu Plante, François-Olivier Marchand. Ça ressemble à ça. Et les requins. Et les requins, tout à fait. Ben oui, voyons donc. Les requins restent avec nous pour... C'est comme si je les avais oubliés, ben, ces beaux petits requins. Moi, en tout cas, je les mettrais en première position. Mais bon, moi, j'ai du respect pour eux. Mais bon. Si tu veux, toi. Restez là. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage Requis. Bon, attends, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis en ce jeudi 7 avril 2011. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Allez, c'est Mathieu Plante. Oui, et toujours les requins qui vont avant nous. En fait, c'est les requins et François-Olivier et Mathieu Plante. Et Simon Fitzbé s'en vient dans quelques minutes avec sa chronique sur Led Zeppelin. C'est phénomène. C'est phénoménal. Ça va être phénoménal, en effet. Oh, c'est comme un mot qui... oui. Et puis, François Landry aussi, vers les 8h30. Ah. Est-ce que tu sais de quoi il nous parle? Oui. Oh, oui. Il parle de la campagne électorale qui en prend pour son rhume. Yeah, yeah, yeah. Ben oui, toi. On veut savoir. Une petite grippe. Je rentre pas à job. Ah... Qu'est-ce que t'en penses, on écoute les Beastie Boys? Hey, ça me rendrait vraiment heureux ce matin. Voici Girls. OK. C'est pour te rendre heureux. Mike D to my dismay. BC Boys. Yeah! Yeah! Hein, t'as-tu dit ou t'as pas dit? Il me l'a dit. Bon. Bon. Fait que ça devait être ça? Ben oui. Bon. C'est ça. Bon, tout le monde est content? C'était bon. Oui. Fait du bien matin. Mm-hmm. Qu'est-ce qui me rend encore plus content, tu penses? C'est mon fait du B. OK, ouais, c'est bon. Finalement. Toujours heureux en arrivant. Simon Fitzbé, sa collègue Phénomène, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien? Oui. Très bien, toi aussi? Oui. Yes, sir. Bon. Salut de ça. Hey. Aujourd'hui, on parle de Led Zeppelin. Oui. L'espace, c'est la suite un petit peu de la semaine passée. Hein? Effectivement, puisque la semaine dernière, on parlait des Yardbirds, et là, c'est la suite logique un peu, puisque les Yardbirds sont devenus éventuellement Led Zeppelin. Et il y a très peu de groupes dans l'histoire du rock à pouvoir se vanter de faire partie des groupes les plus lourds de ce style. Effectivement, incarner le rock'n'roll n'est pas donné à tous. Le chemin est long et il faut souvent affronter les vents et marées afin de défoncer les portes du club select, qui est celui des groupes légendaires. Led Zeppelin est un justement de ces groupes qui, malgré la haine des critiques à son égard ainsi que les nombreux problèmes de personnalité et de méga succès de leurs chansons qu'elles leur ont apportées, ont réussi à dépasser cette limite. Cette semaine, nous observerons comment, tel le phénix, Led Zeppelin est sorti des cendres des Yardbirds afin de créer un monstre de popularité qui symbolise à lui seul l'essence même du rock'n'roll. Êtes-vous prêt? Ben oui, certainement. C'est devenu très gros, hein? Oui, c'est devenu extrêmement gros. Et justement, on va voir un peu cette montée. Et c'est fulgurant comment que ça a été rapide de passer la popularité en plus. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, la popularité des Yardbirds est en chute libre en 1968. Chacun des membres ont délaissé la formation, laissant le petit nouveau, le génie de la guitare, Jimmy Page, seul avec le groupe démoli à rebâtir. C'est donc dans l'optique de remettre le groupe sur la voie du succès que Page cherche des musiciens de talent pour des nouveaux Yardbirds, donc pour former un groupe à partir de ce qui restait, c'est-à-dire lui, des Yardbirds. Il est d'abord contacté par John Paul Jones, un multi-instrumentiste qu'il a connu à l'époque où il travaillait comme guitariste de session. Jones lui propose de se joindre à l'aventure, ce que Page accepte sur le champ, connaissant les talents de musicien de John Paul Jones. Page a également considéré un bon nombre de chanteurs potentiels. Il demande entre autres à Terry Reid, qui le réfère à un jeune Robert Plant, qui impressionne immédiatement Jimmy Page lorsqu'il va le voir en concert. Plant, lui, propose d'engager John Bonham comme batteur. Celui-ci a accepté avec beaucoup de pression de la part de Jimmy Page et Peter Grant, qui étaient gérants du groupe. C'est que John Bonham, lui, était un batteur sous contrat. Il faisait des tournées avec des artistes et il travaillait également sur des albums en studio. Il n'était pas nécessairement intéressé à rejoindre un groupe. Les New Yardbirds partent en tournée afin de régler les obligations qu'avait contacté le groupe avant sa rupture. Et cela dit, le nouveau groupe est beaucoup plus innovateur et beaucoup plus lourd que ce que les Yardbirds offraient auparavant. Il choisit de s'appeler Led Zeppelin en référence à Keith Moon, qui avait dit en blague qu'un super groupe avec une telle envergure s'écraserait comme un zeppelin de plomb. Zeppelin, c'est les gros dirigeables. C'est les gros dirigeables, oui, dont le premier, le vol inaugural du Hindenburg qui a traversé l'océan Atlantique s'est fini par un désastre en boule de feu. Voilà. Peter Grant signe le groupe chez Atlantic Records qui lance le premier album de Led Zeppelin, nommé tout simplement Led Zeppelin, le 12 janvier 1969 aux États-Unis et le 21 mars en Grande-Bretagne. Cet album est beaucoup plus lourd que ce que les Yardbirds avaient à offrir et annonce les couleurs du groupe, fortement influencé par le blues américain et le folk anglais. Et d'ailleurs, je parlais de Lindenberg il y a deux secondes, bien oui. La photo de la pochette, c'est justement le Zeppelin Lindenberg qui se crache. C'est assez frappant comme pochette et c'est une des très belles pochettes de l'histoire du rock. L'album est un franc succès avec les pièces Good Time, Bad Times, Babe, I'm Gonna Leave You, Dazed and Confused, ainsi que Communication Breakdown. Le groupe séduit également le public qui, puisqu'en un an, il réalise 4 tournées américaines et autant de tournées britanniques. Profitant de ce succès, le groupe s'empresse de lancer Led Zeppelin 2, un second album encore plus rock'n'roll que le précédent, et encore mieux reçu que son prédécesseur. Led Zeppelin avec la pièce Whole Lotta Love qui paraissait sur le deuxième album. Whole Lotta Love. Whole Lotta Love. Whole Lotta Love. Oui, on dédicace ça. Cette chanson. Tout plein d'amour. À toutes les femmes. Et donc, avec Whole Lotta Love, justement, The Lemon Song, Heartbreaker, Ramble On et Moby Dick, oui, l'album Led Zeppelin 2 renforce la puissance de Led Zeppelin et continue à le groupe lui-même continue à séduire les foules dans les salles de plus en plus grandes. Cet album est également une nouvelle démonstration des talents de musiciens de Led Zepp. Entre autres, soulignons les solos de batterie de John Bonham sur la pièce Moby Dick, une pièce qui peut s'étirer jusqu'à 20 minutes lors des concerts qui duraient eux-mêmes près de 4 heures. Donc, on en donnait vraiment. Ouais, wow. on en donnait pour leur argent. Oh oui, on faisait beaucoup d'improvisation. On était très flamboyants sur scène à cette époque-là. En 1969, en fait, cette année-là est un véritable succès pour Led Zeppelin, qui s'est implanté comme un monstre de scène et qui produit également des albums incroyables. Au début de l'année suivante, Jimmy Page et Robert Plant s'enferment dans un cottage de la région de Wales pour écrire le prochain album de la formation. Décidant de se détacher quelque peu de son son heavy qui caractérise les deux premiers albums, le duo compose des pièces folk avec un accent celtique mettant de l'avant la versatilité des musiciens. Par contre, le groupe garde toujours quelques pièces lourdes qui est le symbole de succès pour celui-ci. Mais oui. Toujours des débuts longs. Mais ça arrive. C'est phénomène avec Simon Fitt. I don't know how I'm gonna tell you I can't play with you no more. I don't know how I'm gonna do what mama told me, my friend, the boy next door. know what to say about it when all your ears have turned away. But now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all would stay? Led Zeppelin avec That's the Way, tiré de l'album Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 3. Et donc, j'aurais pu vous présenter une pièce plus heavy tirée de cet album-là, mais je me suis dit que c'était une bonne façon également de présenter un côté plus doux du groupe qui incorporait toujours des pièces acoustiques dans leurs albums. Et That's the Way, Immigrant Song, Celebration Day, Tangerine et Since I've Been Loving You garantissent un succès fracassant justement pour cet album Led Zeppelin 3 qui est lancé à la fin de l'année 1970. Et vous avez remarqué, on reste conséquent dans les noms d'albums. On se force pas beaucoup, mais en même temps, c'est une bonne façon de présenter. Tout simplement, c'est le troisième album, le deuxième. Mais... pas de liaisage. Hein? Oui, exactement. Et avec trois méga succès au niveau des ventes et des séries de tournées qui prennent de plus en plus d'ampleur, le groupe est au sommet du monde à la fin de 1970. Led Zepp ne voyage pas en Zeppelin, mais en jet privé. Il loue des étages complets d'hôtels pour mieux détruire ses chambres et ses membres vivent plutôt d'une vie de débauche et enivrés par l'alcool et les drogues. Par contre, ils sont encore très flamboyants sur scène et en remplissant des stades partout à travers le monde et en continuant à produire. Effectivement, le groupe ne chôme pas côté création. À la fin de l'année 1971, Led Zeppelin s'exile sur la grange Dudley à l'est de l'Angleterre pour réaliser ce qui sera leur quatrième album. Malgré le succès, Led Zeppelin est sévèrement critiqué par les journalistes rock et les critiques d'albums qui considèrent que le groupe est une mode de passage et ne prédisent pas une très longue longévité au quatuor. Jimmy Page les prend donc au mot en faisant paraître un quatrième album du groupe où l'on ne retrouve aucune inscription, aucune image pour faire penser au groupe. Effectivement, on retrouve la photo d'un fermier qui avait un bouquet de blé sur le dos. Et malgré aucune publicité et qu'on ne retrouve aucune référence à Led Zeppelin sur la pochette, l'album obtient un succès monstre avec des pièces telles que Black Dog, Rock and Roll, Misty Mountain Hop, et ainsi que When the Levee Breaks, ainsi que l'incontournable succès encore considéré comme un des plus importantes et une des pièces les plus importantes et influentes du rock, Stairway to Heaven. Bien sûr. Ah oui. Et, d'ailleurs, qui ne connaît pas cette chanson-là? Ben, tout le monde la connaît, je pense. Et, si vous ne la connaissez pas, vous l'avez déjà entendue. Oh, ouais. Vous ne connaissez juste pas le nom. Exactement. Et justement, pour revenir là-dessus, les albums, c'est que les critiques disaient, en gros, c'est que en appelant tout simplement les albums Led Zeppelin 1, 2, 3 et écrivant toujours Led Zeppelin sur la pochette, c'est simplement de vendre le nom du groupe plutôt que le son et de vendre une image. Et c'est justement ce qu'ils ont décidé de faire, de détacher vraiment avec leur belle pochette d'album et les noms également inscrits pour que les gens cessaient à entendre quelque chose de nouveau. Et donc, cet album, Led Zeppelin 4, en fait, considéré comme Led Zeppelin 4, puisqu'il n'y a pas de nom, a été, a fait entrer plutôt ses créateurs dans les rangs des légendes du rock et cimente leur popularité. Il a été vendu à 37 millions de copies dans le monde, oui, et reste encore un incontournable chez les fans de rock. Led Zeppelin a connu un début de carrière des plus fulgurants, avec une popularité en constante croissance. Le groupe a su se créer une place au sein des icônes du rock en seulement 3 ans d'existence. C'est ce qui est le plus incroyable là-dedans. Et nous verrons comment s'est traduit ce succès dans les 4 prochains albums du groupe la semaine prochaine. Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby, Led Zeppelin avec l'immense succès Black Dog, bien sûr, qui ouvrait l'album Led Zeppelin 4, ou quatrième album de Led Zeppelin, si vous aimez mieux, ou les quatre signes qu'ils ont mis sur l'album. Après. Ah, il y avait quatre signes, pas des signes d'animal. Non, non, il y a une plume, il y a aussi Zozo écrit d'une façon spéciale, et en tout cas, on disait que c'est des signes mystiques, mais bon, c'est juste eux qui ont décidé de choisir des signes qui les représentaient. Et bien sûr, comme j'ai pas dit aucune fois dans Chronique, c'était dans le cadre d'Assemblage requis avec Mathieu Plante et François-Olivier Marchand, et dans le cadre de Phénomène, dans le cadre de tout. C'est à s'y méprendre, hein? On pourrait se penser ailleurs. Mais non, ce n'est nulle part autre qu'ici. Et c'était avec Simon Fitzbé. Oui, c'était avec moi. Zozo, merci Zozo. Zozo, effectivement. Hein? Hein? Fallait que tu dises ça. on te retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Phénomène. C'est les jeudis à 8h. Oui. Sinon, il y a la Simon Fitzbé. Oui. Oui, qui continue avec dans ta chronique Le Scoot des Internets dans le Dîner de Con tout à l'heure. Effectivement. Et ta propre émission ce soir, La Saveur du Moment, qu'est-ce qui se passe à 21h? Eh bien, c'est comme... elle a été enregistrée lundi. Mélangé, oui. Et il y a eu, en fait, c'était les plus grands que nature, dans le fond. On voyait, il y avait entre autres Motorhead, Led Zeppelin qui était là-dedans. Des très, très grands artistes, en fait, qui ont transcendé l'histoire de la musique avec leur image flamboyante et leur son incroyable. Parfait. C'est ce soir à La Saveur du Moment à 21h, qui est une reprise de lundi. Mais lundi qui s'en vient, ça va être la reprise de jeudi d'avant. Exact. Comme ça, tu vas revenir dans ton beat normal. Ouais, pour le genre deux semaines qui restent. Ouais, là, je suis comme tout mélangé. Et le vendredi, dans Rock Classique, à 11h environ, 11h7:35 secondes environ, c'est ta chronique Les Éphémérides du Rock. Exactement. Environ à cette heure-là. On te retrouve aussi tantôt avec François Landry dans sa chronique Le Beau Classique 101. Mm-hmm. Ouais. Merci, Simon. Merci beaucoup, messieurs. Nous, on prend une petite pause. On va entendre une pièce de La Baroque Machine. Oui, La Baroque Machine. Ooh. Avec Robo Acadie. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Oui, François-Olivier. Mathieu Plante. Oui, François-Olivier Marchand, en passant. Je dis tout le temps François-Olivier, comme s'il n'y a pas de nom de famille, comme c'est... Il est déjà assez long, mon nom. Madonna. Hey, Madonna. Tu me compares à Madonna, là? Oui, on a Zozo aussi. Zozo, Madonna. Oui. Simon Fitzbé. Mm-hmm. C'est vraiment sympathique comme nom, je trouve. On accueille maintenant François Landry. Voici Logo Crassi 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Gang sister. Collègue, s'il vous plaît. Le début est solennel. On peut. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour. Ça va? Bonjour. Très bien vous-même. Oui, en ce pool électoral. Oui, ce pool, cette poule mouillée des électeurs, mais des politiciens, oui, qui ont peur de se mouiller. Chicken. Mais il y en a qui se mouillent un petit peu trop que ça déborde des fois. Oh. Mais bon, aujourd'hui, le titre de ma chronique, c'est « La démocratie en prend pour son rhume mm-hmm. ». Je sais pas si vous avez suivi l'actualité avec aussi d'assiduité, mais même pas besoin, juste les grands titres des journaux télévisés ou de journaux papier nous le disent que ça va mal côté campagne électorale, côté politique tout simplement. La démocratie a été bafouée environ une dizaine de fois cette semaine. Là, je pense, je sais où tu vas en venir. Vas-y. Tu parles en fait dans les réunions, dans les... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Les rassemblements. Ouais, les rassemblements. Entre autres, ça compte pour 6 des 10 fois à peu près. Mais je vais juste résumer, je les énumérerai pas tous. J'en ai juste sorti 3 cas particuliers. Le premier, c'est « Je suis officiellement en deuil. Je porte le brassard noir. Notre ami Yvon Vallière a dû remettre sa démission de l'Assemblée nationale. Vous savez, oui. le collègue. Il va d'ailleurs falloir changer l'introduction de la chronique. Tu vas trouver quelque chose d'autre? Je vais attendre que Georges Chagnon fasse un fou de lui ou un président de lui. Uh-huh. On verra bien. Bon, on peut laisser Yvon Vallière quand même pour finir la saison parce que c'est quand même été un grand homme qui ne passera pas à l'histoire, malheureusement. Parce qu'il a dû remettre sa démission après un cafouillage de sa propre part. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Oh, c'est là la question. Le 24 mars dernier, Lise Thériault, ministre du gouvernement Charest, a sorti de ses gonds. Donc, elle a eu une petite explosion d'enthousiasme un petit peu trop remarquée de par l'opposition. Elle a menacé l'opposition de dévoiler le nom de chaque député qui se mettaient à genoux carrément devant les ministres pour avoir des subventions pour leurs électeurs. Donc, habituellement, ça se fait dans le bon ordre. Les députés qui sont dans l'opposition vont voir les ministres pour dire « Avec ton enveloppe discrétionnaire, est-ce qu'on pourrait débloquer, mettons, X montant pour rénover la façade de tel building? » Habituellement, tu sais, de bon aloi, ils le font, puis bon, c'est pas des grands projets de plusieurs millions. Là. Une enveloppe discrétionnaire, ça peut être 500$, ça peut être 10 000$. Elle a menacé en pointant du doigt chaque député en disant « Je vais vous dévoiler si vous vous rétractez pas. » Et là, Stéphane Bédard, le leader parlementaire de l'opposition, qui est d'un tempérament assez explosif lui-même, a dit « Je veux des excuses, j'exige des excuses, c'est intolérable et c'est même peut-être passible d'un outrage au Parlement. » Outrage, on se souvient, Stephen Harper en a eu un deux semaines. L'outrage au Parlement, ça veut dire que Lise Thériault devrait démissionner si l'outrage est reconnu. Donc là, Yvon Vallière, président de l'Assemblée, lui, reçoit la plainte, doit la traiter et remettre un rapport soit le lendemain ou quelques jours après. Mais là, ce qu'on a su dans les journaux ce matin même, c'est que Jean-Marc Fournier, le leader parlementaire de Jean Charest, donc du gouvernement, a demandé à Vallière d'attendre, d'étirer la remise du rapport. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible pour faire des dommages, pour vraiment... craquer l'opposition. Mais l'opposition, elle, n'a pas bronché, a juste dit « On veut le rapport, on veut une sanction pour Mme Thériault. » Et là, Yvon Vallière, ce qu'il a fait, son rapport, il l'a déposé avant-hier, la veille de sa démission, pardon, ça veut dire jeudi passé, jeudi dernier. Il a dit que ses propos sont proches d'un outrage, mais que ça ne nécessite pas des excuses pour autant. C'est sa conclusion. Alors là, commotion à l'Assemblée nationale. Yvon Vallière, voyant ça, s'est dit « Je n'ai plus la légitimité d'être président. » D'autant plus que le Parti québécois avait menacé de retirer sa confiance au président. Donc ça, c'est en théorie, c'est dommageable parce que le président n'a plus la confiance, mais côté pratique, il s'en fout, le gouvernement il est majoritaire. Mais en théorie, ça veut dire que l'opposition, le plus grand groupe d'opposition, ne reconnaît plus son travail. Donc, quand tes compères ne te reconnaissent plus, autant quitter, démissionner. Mais c'est bizarre, il devait s'en attendre, non? Est-ce que c'est ce qu'il voulait? On ne sait pas, ça c'est par en arrière, en arrière des rideaux, on ne sait pas ce qui s'est passé par sa tête. Mais lui-même était tanné de sa fonction de président de par le climat malsain qui règne à l'Assemblée nationale depuis bientôt 2-3 ans, sinon plus. Avec les échanges acrimonieux, les censures, les coups en dessous de la ceinture. Donc, il était plus à l'aise. Puis, faut se l'avouer, Yvon Vallière n'était pas à sa place comme président. C'est un bon gars, c'est un bon grand-papa, mais c'est pas quelqu'un qui a une poigne de fer. Ça prend quelqu'un qui a du mordant. On se souvient de Bissonnette, son prédécesseur, lui engueulait les députés. Avant, Jean-Pierre Charbonneau, qui est aujourd'hui un ex avec Lisa Froula et Marie Grégoire. Ah oui, à RDI. Il était enguirlandais, puis il y avait des menaces. Tête, ouais. C'était un président avec une poigne de fer. Donc, Yvon Vallière, c'était avec son stylo sur sa table. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, collègue. J'aimerais entendre la réponse. Collègue. Puis, en fait, il est nommé par le gouvernement? Non. Non? Là, c'est là qu'il y a eu entaille à la démocratie. Donc, il démissionne, on doit prendre un nouveau président, présidente. Il y a deux vice-présidents. Il y avait François Gendron du Parti québécois, il y avait Fatima Oudoua-Pépin du Parti libéral et il y avait aussi Marc Picard du Indépendant qui représentait aussi à l'époque l'ADQ. Donc, eux autres, c'était les vice-présidents qui, selon la ligne hiérarchique, devraient prendre la relève. Mais le gouvernement a dit « On va en élire un nouveau, donc ça va apaiser le climat. » Et habituellement, selon la loi de 2008, tout député confondu peut se présenter. Donc, n'importe qui. Le nobody comme le ministre super puissant. Mais là, Jean Charest a dit « Non. » Parti libéral impose Jacques Chagnon, qui était déjà vice-président. Et puis, votez pour lui. Et vous votez pour lui. C'est ça. Donc là, les députés n'ont même pas eu le choix de dire « OK, là, on vote Jacques Chagnon ou on pogne la grippe le matin du vote. » Et là, les députés de l'opposition ont dit, nous autres, on présente François Gendron du Parti québécois, Marc Picard aussi s'est présenté, les indépendants, et Fatima Oudoua-Pépin a dit, non, je me présente même pas, ça me tente pas de me faire dessus par les deux partis parce que ça va trop mal. Donc, l'opposition n'a pas eu le choix de voter pour Jacques Chagnon. Ben, ils n'ont pas voté nécessairement pour lui. C'est un vote secret, donc on ne sait pas quels sont les résultats, c'est qui a voté pour qui. Mais là, c'est Jacques Chagnon, officiellement, qui est nommé président et non pas élu. T'sais, je refuse de dire qu'il a été élu, il a été nommé, il a été placé là par le Parti libéral. Donc, première entaille cette semaine. Mais dans la mesure où tu as la majorité, et puis c'est ça, tu dis à tes députés, vous votez pour lui. Non, c'est un vote libre. Avant 2008, c'était ça, c'était un député imposé. Maintenant, depuis 2008, c'est n'importe qui, sinon c'est démocratie totale, il n'y a pas de ligne de parti, donc... OK, tu n'as pas le droit, c'est illégal. Pas illégal. Non? C'est qu'il a contourné la loi en disant « Vous êtes mieux de voter pour lui, mais bon, vous faites ce que vous voulez, mais okay, moi, je vous suggère fortement. Ouais, » c'est ça, on suggère fortement. « Votre ami Jacques, il va être là, c'est un bon gars. » Moi, je vote pour lui, en tout cas. Moi, si j'étais à votre place... Ouais, c'est ça. Tu m'as demandé mon avis, là. Ouais, c'est ça. Il a joué là-dessus. Donc, tous les députés, et même Tony Tomassi, qui s'était absenté depuis 2 ans de l'Assemblée nationale, qui est venu faire un tour, là. Il était présent pour voter. Il s'est levé, il s'est resté, puis il est parti. À la prochaine. Au moins, il s'est présenté. Donc, ça, c'est la première graine dans l'engrenage qui s'est pognée pour la démocratie au Québec. Mais là, pour la campagne électorale, on est en pleine campagne électorale au fédéral. Ça se fait peut-être pas remarquer encore, mais oui, nous le sommes depuis bien trop 2 semaines. Uh-huh. On en parle beaucoup, mais il n'y a rien qui en ressort, à part des petits accros. On se souvient, au tout début, c'était la fameuse coalition que Harper dénonçait. Il n'en parle plus de ça. Hein? Il n'en parle plus parce qu'il s'est fait remettre dans le visage. Parce que lui-même, en 2004, avait voulu former une coalition pour renverser les libéraux. Donc, sujet clos, on parle plus. Donc, c'est fini. Sa ligne directrice, son concept de départ a échoué lamentablement. Mais là, il fait il sillonne le pays, tout ça. Il y a beaucoup de rassemblements, beaucoup de rapports à l'image. On a vu Stephen Harper sur un 4 roues dans le nord ontarien. Là, il était à Drummondville il n'y a pas longtemps. Il arrive dans un camion de pompiers, avec plein de pompiers, tu sais, musclés, quasiment tout huilé. Il mangeait de la tire d'érable. Il mangeait de la tire d'érable. N'importe quoi. Là, c'est du people, tu sais, de l'image. Oh, ouais. Parce que son discours, c'est on minimise les dégâts. Parce que là, on est à presque 40% des intentions de vote. Faut garder ça. Faut garder notre piédestal. Donc, on peut juste baisser. On peut plus monter. Mais c'est ça, il baisse aussi. Il baisse. On va en parler un petit peu tantôt, si Mathieu nous le permet. On verra. On verra. Pour les sondages, ça peut aider pour les poules électorales. Il y avait une photo de lui avec un bébé, hein, d'ailleurs. Je vous invite à aller sur Superpresse. Il y a une photo de Jack Layton aussi avec un bébé, mais celle-là est vraiment drôle. Moi, je vous suggère aussi de regarder les deux bébés. Ce sont le même bébé. Non. C'est un bébé générique qu'on appelle. C'est un bébé qu'on a loué. Pour des photos. C'est ça, c'est un bébé qu'on a loué. On paye la mère. Puis on peut pas prendre n'importe quel bébé, sinon il y a des chances d'y faire mal, tu sais. Ah oui. Ben, d'attraper une de ses maladies. Oui. Oui, c'est la main petite fille. Oui. En tout cas, c'est plus rigolo qu'il y a d'autres choses, oui. Donc, le Parti conservateur, qui font beaucoup de rassemblements pour l'image, on voit toujours une foule en délire derrière Harper, qui l'applaudit, c'est un peu comme les Américains font. Mais Harper, dans sa paranoïa légendaire de contrôler totalement qui l'approche, a expulsé, non pas un, non pas deux, mais 6 individus de ces rassemblements. Tout simplement parce qu'ils avaient un dossier pas très conservateur, merci. Ah. Ou des photos aussi. Ou des photos sur controversées. C'est-à-dire que les jeunes femmes, le cas le plus connu, ce sont deux jeunes femmes qui se sont faites poser avec Michael Ignatieff. Les deux femmes qui proviennent du Maghreb, si je ne me trompe pas, c'est leur première élection fédérale. Donc, ils veulent s'intégrer au pays, donc au système électoral. Ils veulent voir comment ça fonctionne. Ils veulent voir comment ça fonctionne. C'est tout à fait légitime. Donc, ils ont été voir Jack Layton. Ils ont pris des photos avec, voir c'est qui ça, le bon vieux Jack. Ensuite, ils ont été voir Michael Ignatieff. Ils ont pris des photos. Ils les ont mis sur Facebook. Mais là, arrivé à Stephen Harper, veulent les approcher. Donc, il faut s'inscrire à une table au début, ce qui est normal. Bon, tu t'inscris à savoir combien il y a de place et tout ça. Donc, jusqu'à maintenant, c'est... Sauf que là, ce qui n'est pas normal, c'est que des agents de la GRC ont regardé la liste, ont tapé dans Google et dans Facebook c'est qui ces personnes-là. Et ils ont découvert des photos de ces deux jeunes femmes-là avec Michael Ignatieff. Donc, ils ont dit « Wow, wow, wow, ça peut être des terroristes. Ça peut être des fouteux de troubles. On va les mettre dehors. » Ils ont pogné Manu Militari, puis ils ont kické dehors en termes polis. Pour dire, kické out, comme sur IRC. Kické out. Donc, juste pour le dire, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et là, ça a fait un scandale. Les partis de l'opposition ont dit « C'est quoi cette affaire-là? » On expulse des Canadiens des rassemblements. Stephen Harper s'adresse à des foules. Oui, mais à des foules qui ont leur carte de membre du Parti conservateur seulement. C'est quoi cette paranoïa-là? Et là, le lendemain, il y a une femme qui était une militante verte, non pas du Parti vert, mais une militante écologiste. S'est dit « Moi aussi, je me suis fait expulser la semaine dernière d'un rassemblement parce que je suis une activiste. » Et là, encore là, scandale. Scandale à la Maison-Blanche, quasiment, pour dire que qui peut approcher Stephen Harper? Est-ce que Stephen Harper veut être dans le vrai peuple ou encore là derrière l'image? Mais sincèrement, moi, je savais pas qu'il fallait s'inscrire pour un rassemblement. Eux autres seulement, parce que c'est le premier ministre. Et là, c'est la GRC qui oublie. C'est la sécurité. C'est la sécurité. La GRC est payé, a un contrat pour protéger l'homme, le premier ministre, pas le Parti conservateur. Mais là, ce qui est la problématique, c'est que c'est un rassemblement du Parti conservateur et non pas du premier ministre ou du gouvernement. Et là, la GRC a dû s'excuser officiellement hier pour dire « Nos agents ont fait un petit peu trop de zèle. Ils ont protégé le Parti conservateur et non pas le premier ministre. » Ce premier ministre, il n'est pas en danger. Son intégrité physique n'est pas en danger. Il n'y avait pas des fusils, il n'y avait pas des couteaux cachés. Et en plus, Stephen Harper, si vous avez regardé l'envers de la médaille d'un rassemblement, il y a le décor avec plein de gens sûrement contrôlés, sûrement membres du Parti conservateur, je ne sais pas. Il y a le premier ministre en plein centre et il y a un enclos à journalistes. Et quand je parle d'un enclos, c'est regarder les fermes. Il y a un enclos à vaches, là. C'est la même chose. C'est pas très gentil pour les journalistes, mais c'est carrément ça. Donc, les journalistes sont en retrait. Ils sont maintenus là. Ils sont maintenus là. Ils n'ont droit qu'à 5 questions par événement. 4 questions du national et une question du local. Et une seule pause pipi. Sûrement. Ou même pas. C'est, vois-tu pas, parce que tu pourrais aller cacher une arme. Et ça, uniquement, encore là, au conservateur? Uniquement au conservateur, parce que partout ailleurs, Ignatieff, Layton et Duceppe aiment les bains publics. On les voit, eux autres, qui ont dit... Nous autres, on s'adresse aux Canadiens. On ne s'adresse pas à des partisans. Ouais, mais, l'autre fois, j'ai vu Jack Layton, pas en entrevue, mais il faisait un rallye politique. Il y avait des gars bien en noir avec des lunettes de fumée qui étaient dans les coins, qui regardaient partout. Oui, il y a quand même un minimum de sécurité, mais pas un contrôle exact. C'est sûr que tous les chefs de parti ont leur propre service de sécurité, que ce soit flagrant ou caché. Il y en a un, c'est quand même des hommes d'État. Très bien coté là. Donc une certaine protection. Si quelqu'un voudrait s'amouracher de Jack puis sauter dessus pour lui donner des becs, c'est sûr qu'il y aurait des agents qui sortiraient la jeune femme. Jack se laisserait peut-être faire, par exemple. On verra. Mais donc tout ça pour dire que il y a eu encore là entorse à la démocratie en disant que on peut pas approcher le premier ministre comme on veut. La dernière entaille, c'est le Parti vert qui a été obligé de s'effacer du débat des chefs. Oui, merci beaucoup. Donc, les débats qui auront lieu le 12 et le 14 avril prochain, 12 en anglais, le 14 en français. Elisabeth May, qui voulait participer au débat comme la dernière fois en 2008, s'est vue refuser l'accès cette année sous prétexte qu'elle n'a pas de représentant à la Chambre des communes. Vous allez me dire, en 2008, elle y était. Oui, parce qu'elle avait un député vert à Ottawa. C'était un député conservateur qui était devenu indépendant, qui lui s'était rallié au vert à quelques jours du déclenchement des élections. Donc, elle a dit, j'ai un vert au Parlement, j'ai le droit. Ils ont donné accès. Donc là, on va avoir seulement les quatre chefs des quatre principaux partis au débat. Elisabeth May exclue, et Elisabeth May qui, selon les sondages, fait quand même un bon score entre 6 et 10% tout dépendamment des jours des sondages. Donc, encore là, une grande frange de la population canadienne qui ne pourra pas recevoir de l'information de leur parti. Et ça a été porté en appel aussi, et puis ça a été débouté. Oui, elle a porté ça en appel. C'était sa meilleure publicité, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, Parti vert. Ouais. Elle dit, faut faire parler de nous côté judiciaire, on va avoir les gens qui sont ouverts sur la démocratie avec nous autres. Ça a marché un peu pour un bout de temps, mais le jugement a été rendu. Elisabeth May sera pas ouverte. Elle s'est fâchée en anglais, son message a passé. Elle s'est fâchée en français, on n'a rien compris. Peut-être avec Marc Labrèche, ça aurait peut-être mieux passé. Ouais. Donc, juste faire ça vite aussi, 30 secondes, pas plus. Les sondages qui ont paru ce matin, qui font la une du journal La Presse, Jack Layton... qui fait un score faramineux au Québec, la première fois de son histoire. Juste pour vous donner un petit récapitulatif, pardon. En 2000, le NPD recueillait 1,2% des votes au Québec. En 2000. 1,2. Donc, ça fait 10 ans, là, tu sais, au début de la décennie. En 2004, 4,6. En 2006, 7,5. En 2008, 12,2. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? 24%. Comme c'est le double. C'est la première fois que... le NPD se faufile derrière le Bloc québécois depuis l'existence du Bloc québécois, évidemment. Donc, le Bloc québécois au Québec fait 34%, le NPD 24%, conservateur 19%, libéral 18%, et les autres, le Parti vert 4%, et les autres partis 0%. André Arthur est dans les 0%. Oui. Mais ça me surprend que le Parti libéral soit derrière le Parti conservateur au Québec. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Non? Les libéraux, on l'a encore sur le cœur. Le scandale des commandites. Michael Ignatieff, pas très charismatique. Pas très charismatique, effectivement. Et côté français, il trébuche beaucoup plus que Harper, bien souvent. C'est normal qu'on vote, que les Québécois n'apprécient pas ou apprécie moins bien Ignatieff, mais la campagne est encore jeune. Tout peut changer. Après les débats, habituellement, c'est les débats qui font la différence et Ignatieff se prépare au débat depuis un an. Ça fait un an qu'il se prépare juste pour ça, pour avoir l'air moins intellectuel possible, après mieux contrôler son français, ses impulsions. Il y a juste à boire une caisse de 12 avant d'y aller, il va être correct. Donc, on verra. Avec un bébé. Puis... Donc, le 12 et le 14 mai, avril prochain, les débats français-anglais, ça sera à noter. Et peut-être un débat aussi à la chasse-galerie. Ça reste à... travaille avec ça, avec C'est fou, donc on verra. Ah oui, C'est fou, la Radio Campus de Trois-Rivières. Oui, la meilleure radio, là. Ah. C'est qui parle de vraies choses. Merci beaucoup, François Landry. Merci. On te retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Logocratie 101. On s'écoute rapidement une pièce de Palache. Voici Stop, petite japonaise, et on vient avec la conclusion de la semaine. Stop, petite japonaise, stop. Tu cries dans mes oreilles, stop. Tu t'es pris au jeu et tu ne t'arrêtes pas. Mais tu repartes. Petite japonaise de panache à assemblage requis, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Restez sur nos ondes parce que tout à l'heure, c'est Tour d'Afrique avec Rachel à 9h, Cool d'être ensemble à 10h et puis à 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. Moi, je vais être de retour à 13h pour C'était fou où on va rembobiner jusqu'en 2005 et puis les palmarès c'est fou à 14h. Soyez avec nous lundi matin. Qu'est-ce qu'on a à l'émission, François, lundi? Lundi matin, on reçoit Stéphanie Gagné. Oui, avec ses deux chroniques. Et puis, c'est doux. Hein? Doux. Ça va être une bonne émission. Exactement. J'imagine, ouais. Je baisse. Hein, si on c'est tout le temps bon avec vous autres, les gars. C'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. On remercie les invités de la journée. Simon Fitzbay, merci. François Landry, merci aussi. François-Olivier Marchand, merci beaucoup. Mathieu Plante, merci. Moi-même. Aux autres invités de la semaine aussi, merci beaucoup. Allez voir sur assemblagerequis.com pour toutes les notes de l'émission et pour la balado-diffusion. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent, suivies de Tour d'Afrique. Passez une excellente fin de semaine. Bye-bye. Là, c'est fini. Il reste comme 5 secondes. 5 secondes, il n'y a pas de temps pour faire grand-chose. Non. Hey, au revoir. On pourrait faire un sketch. Allô? Pepe répète, ça remonte en bateau. OK, qui est là? Moi. Moi qui? C'est mon fait de jeu. Je suis pas drôle, je suis pas bon pour faire des blagues. Ben, ça paraît, hein? Bye.